Chapitre 4. Olivier trouve une place et fait son entrée dans le monde. Dans les grandes familles, quand un jeune homme prend des années et qu'on ne peut lui obtenir une place avantageuse par achat, succession, réversibilité ou survivance, on a coutume de l'envoyer sur mer. Le conseil d'administration, pour suivre un exemple si sage et si salutaire, délibéra sur l'opportunité d'embarquer Olivier Twist à bord de quelques bâtiments marchands en destination d'un bon petit port bien malsain. Ce parti semblait aux administrateurs le meilleur que l'on pût suivre. Il était probable en effet que le patron s'amuserait un jour après son dîner à fouetter l'enfant jusqu'à ce que mort s'en suivît, ou à lui faire sauter la cervelle avec une barre de fer. On sait que pour les gens de cette classe, ce sont là deux passe-temps ordinaires qui ne manquent pas d'agrément. Plus le conseil envisageait la chose à ce point de vue, plus il y trouvait davantage. La conclusion fut que le seul moyen d'assurer l'avenir d'Olivier était de l'embarquer sans délai. M. Bumble avait été dépêché pour faire quelques recherches préliminaires afin de découvrir un capitaine ou autre qui voulût d'un mousse auquel âme qui vive ne s'intéressait. Il revenait au dépôt de mendicité pour rendre compte du résultat de sa mission quand il rencontra à la porte l'entrepreneur des pompes funèbres de la paroisse, M. Sowerberry en personne. M. Sowerberry était un homme grand, maigre, fortement charpenté, vêtu d'un habit noir râpé avec des bas de coton rapiécés de même couleur et des souliers à l'avenant. La nature n'avait pas donné à sa physionomie une expression souriante, mais comme il trouvait dans son métier ample matière à plaisanterie, sa démarche était pour ainsi dire élastique et sa figure enjouée quand il aborda M. Bumble et lui donna une cordiale poignée de main. « Je viens de prendre la mesure des deux femmes qui sont mortes la nuit dernière, Monsieur Bumble, » dit l'entrepreneur. « Vous ferez fortune, Monsieur Sowerberry, » dit le bedeau en introduisant le pouce et l'index dans la tabatière que lui présentait l'entrepreneur, laquelle offrait ingénieusement l'image d'un petit cercueil breveté sans garantie du gouvernement. « Je vous dis que vous ferez fortune, Monsieur Sowerberry, » répète Monsieur Bumble en lui donnant amicalement sur l'épaule un léger coup de canne. « Vous croyez ?» dit l'entrepreneur d'un ton qui ne voulait dire ni oui ni non. « Les prix fixés par l'administration sont bien minces, Monsieur Bumble. »« Et vos cercueils aussi ?» répondit le bedeau d'un air qui approchait de la plaisanterie, autant qu'il convenait à un fonctionnaire important. Monsieur Sowerberry fut ravi, comme il devait l'être, de la finesse de ce mot, et partit d'un long éclat de rire. « C'est vrai, Monsieur Bumble, » dit-il enfin. Il faut l'avouer, depuis la mise en vigueur du nouveau système de nourriture, les cercueils sont un peu plus étroits et moins profonds que par le passé. Mais il faut bien gagner quelque chose, monsieur Bumble. Le bois sec coûte fort cher, monsieur, et les attaches de fer viennent de Birmingham par le canal. Bah, dit monsieur Bumble, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, et un beau profit est bien aussi quelque chose. « Sans doute, » répondit l'entrepreneur, « si je ne gagne rien sur chaque article en particulier, je me rattrape sur l'ensemble, voyez-vous. Hé, hé. Justement, » dit M. Bumble. « Il faut pourtant dire, » continua M. Sowerberry en reprenant le fil de son discours que le bedeau avait interrompu, « il faut pourtant dire, M. Bumble, que j'ai contre moi un grand désavantage, c'est que les gens robustes s'en vont les premiers. » Je veux dire que les gens qui ont vécu à leur aise, qui ont payé leur contribution pendant longtemps, sont les premiers à succomber quand ils entrent au dépôt. Et voyez-vous, monsieur Bumble, 3 ou 4 pouces de plus qu'on avait calculés font une grande brèche dans les profits, surtout quand on a une famille à soutenir, monsieur. Comme Sowerberry disait cela du ton indigné d'un homme qui a lieu de se plaindre, et que M. Bumble sentait que cela pourrait amener quelques réflexions défavorables aux intérêts de la paroisse, ce dernier crut prudent de parler d'autre chose, et Olivier Twist lui fournit un sujet de conversation. « Vous ne connaîtriez pas par hasard, » dit M. Bumble, « quelqu'un qui aurait besoin d'un apprenti ? C'est un enfant de la paroisse qui est en ce moment une grosse charge. » Une meule de moulin, pour ainsi dire, pendue au cou de la paroisse. Offre avantageuse, monsieur Sowerberry, offre avantageuse. Et en parlant, monsieur Bumble dirigeait sa canne vers l'affiche en question, et frappait trois petits coups sur les mots « 5 livres sterling » qui étaient imprimés en majuscules de la plus grande dimension. « Ma foi, » dit l'entrepreneur en prenant M. Bumble par le pan à garniture dorée de son habit, « voici précisément ce dont je voulais vous parler. Vous savez, quel joli bouton vous avez là, mon cher M. Bumble. Je ne l'avais jamais remarqué. » « Oui, il est assez bien, » dit le bedeau en regardant avec orgueil les gros boutons de cuivre qui ornaient son habit. « Le sujet est le même que celui du sceau paroissial. Le bon samaritain pensant le voyageur blessé. Le conseil me l'a donné pour mes étrennes, Monsieur Sowerberry. La première fois que je l'ai mis, c'était pour assister à l'enquête relative à ce marchand sans ressources qui mourut la nuit sous une porte cochère. « Je m'en souviens, » dit l'entrepreneur. « Le jury déclara qu'il était mort de froid et de faim, n'est-ce pas ? Et le verdict ajoutait, je crois, d'une manière spéciale, » dit l'entrepreneur, « que si l'officier de secours... »« Baste, sottise que cela, » dit le bedeau avec humeur. « Si le conseil faisait attention à toutes les niaiseries que débitent ces ignorants de jurés, il aurait fort à faire. »« C'est bien vrai, » dit l'entrepreneur. « Les jurés, » dit M. Bumble, en serrant fortement sa canne, ce qui était chez lui signe de colère, « les jurés sont des êtres sans éducation, des êtres vils et rampants. »« C'est encore vrai, » dit l'entrepreneur. « Ils n'ont pas plus de philosophie et d'économie politique à eux tous que ça, » dit le bedeau en faisant claquer ses doigts avec dédain. « Non, sans doute, » reprit Sowerberry. « Je les méprise, » dit le bedeau, dont la figure se colorait de plus en plus. « Et moi aussi, » répondit l'entrepreneur. « Je voudrais seulement tenir ces jurés, si indépendants, au dépôt pendant une semaine ou deux. Les règlements de l'administration leur rabattraient bien vite leur caquet. « Enfin, laissons-les pour ce qu'ils sont, » reprit l'entrepreneur. Et en même temps, il souriait d'un air approbateur pour calmer la colère croissante du bedeau courroucé. M. Bumble ôta son tricorne, en tira un mouchoir, essuya la sueur que la colère faisait ruisseler sur son front, remit son tricorne, puis, se tournant vers l'entrepreneur, il dit d'un ton plus calme. « Eh bien, et cet enfant ?»« Oh, vous savez, M. Bumble, » répondit le fabricant de cercueils, « je paye une forte taxe pour les pauvres. » fit M. Bumble. « Eh bien ?»« Eh bien, » reprit M. Sowerberry, « je songeais que si je paye beaucoup pour les pauvres, j'ai le droit de les exploiter aussi de mon mieux, M. Bumble. Ainsi, je crois que cet enfant fera mon affaire. » M. Bumble saisit le bras de l'entrepreneur et le fit entrer au dépôt. M. Sowerberry resta en conférence avec les administrateurs pendant 5 minutes et il fut convenu qu'Olivier entrerait chez lui le soir venu à l'essai. C'est-à-dire que si, au bout de quelque temps, il trouvait que l'enfant lui rapportait plus par son travail qu'il ne lui coûtait pour sa nourriture, il le prendrait pour un nombre d'années déterminé, avec le droit de l'employer à sa fantaisie. Le petit Olivier fut amené le soir devant les administrateurs et informé qu'il allait entrer immédiatement en qualité d'apprenti chez un fabricant de cercueils et que, s'il se plaignait de sa position, s'il retombait encore à la charge de la paroisse, on l'embarquerait pour être noyé ou assommé. Il ne manifesta aucune émotion. Ces messieurs déclarèrent tous que c'était un petit garnement sans cœur et ordonnèrent à M. Bumble de l'emmener sur le champ. Quoi qu'il soit naturel de penser que les administrateurs, plus que qui que ce soit au monde, devaient éprouver un légitime sentiment d'horreur à la moindre marque d'insensibilité, ils se trompaient cependant complètement dans la circonstance actuelle. Le fait est qu'Olivier, loin de manquer de sensibilité, en avait au contraire une trop forte dose et n'était en train d'arriver à un état de stupidité et d'abrutissement pour le reste de sa vie que par suite des mauvais traitements qu'il avait endurés. Il apprit sa nouvelle destination sans dire un mot, mit sous son bras son petit bagage, qui n'était pas lourd à porter car il tenait dans un morceau de papier d'un demi-pied carré sur 3 pouces d'épaisseur, enfonça sa casquette sur les yeux et s'accrochant encore une fois au parement de M. Bumble, il fut conduit par ce fonctionnaire à un nouveau lieu de souffrance. Pendant quelque temps, M. Bumble traîna ainsi Olivier après lui sans faire attention à l'enfant. Car le bedeau marchait la tête haute, comme il sied à un bedeau. Il faisait du vent. Le petit Olivier était complètement caché par les basques de l'habit, qui, en s'entr'ouvrant, laissait voir avec avantage le gilet à revers et la culotte courte du bedeau. Au moment d'arriver, M. Bumble jugea convenable de jeter un coup d'œil sur l'enfant pour voir s'il était présentable, et il le fit de l'air capable et entendu qui convient à un protecteur bienveillant. Olivier, dit monsieur Bumble. Oui, monsieur, répondit l'enfant d'une voix faible et tremblante. Ne mettez pas votre casquette sur vos yeux. Élevez la tête, monsieur. Olivier obéit tout de suite, en passant bien vite la main sur ses yeux. Mais une larme y roulait encore quand il regarda son guide, et elle coula sur ses joues, tandis que monsieur Bumble le considérait d'un œil sévère. Cette larme fut suivie d'une autre, et d'une autre encore. L'enfant eut beau vouloir prendre sur lui, ses efforts furent vains. Il lâcha la manche du bedeau, mit ses deux mains sur sa figure, et un torrent de larmes coula à travers ses doigts décharnés. « Eh bien !» s'écria monsieur Bumble, s'arrêtant court, et lançant à son petit protégé un regard plein de méchanceté. « De tous les enfants les plus ingrats, les plus vicieux que j'ai jamais vus, vous êtes... »« Non, non, monsieur !» s'écria Olivier en sanglotant et en se cramponnant à la main qui tenait la fameuse canne. « Non, non, monsieur, je veux être bon. Oui, je serai bien sage, monsieur. Je suis si jeune, monsieur, et je suis si... si... »« Si quoi ?» demanda monsieur Bumble étonné. « Si abandonné, monsieur, si complètement abandonné !» s'écria l'enfant. « Tout le monde me déteste. Oh, monsieur, je vous en prie, ne soyez plus fâché contre moi. » L'enfant, en même temps, se frappait la poitrine, sanglotait et regardait le bedeau avec angoisse. Pendant quelques instants, monsieur Bumble contempla avec étonnement la mine piteuse et désolée d'Olivier. Il toussa trois ou quatre fois, comme un homme enroué, en se plaignant entre ses dents de cette toux importune, et dit à Olivier de s'essuyer les yeux et d'être sage. Puis, lui prenant la main, il continua à marcher en silence. Le fabricant de cercueils venait de fermer les volets de sa boutique et était en train d'inscrire quelques entrées sur son livre de compte à la lueur d'une mauvaise chandelle quand M. Bumble entra. « Ah !» dit-il en levant les yeux et en arrêtant sa plume au milieu d'un mot. « C'est vous, Monsieur Bumble ?»« En personne, Monsieur Sowerberry, » répondit le bedeau. « Tenez, je vous amène l'enfant. » Olivier fit un salut. « Ah ! Voici l'enfant en question, » dit l'entrepreneur des pompes funèbres en levant la chandelle pour voir à fond Olivier. « Madame Sowerberry, voulez-vous venir un instant, ma chère ?» Madame Sowerberry sortit d'une petite pièce derrière la boutique. C'était une femme petite, maigre, pincée, une vraie mégère. « Ma chère, » dit M. Sowerberry avec déférence, « voici l'enfant du dépôt dont je vous ai parlé. » Olivier salua de nouveau. « Dieu !» dit la femme, « qu'il est maigre !»« En effet, il n'est pas fort, » répondit M. Bumble en regardant Olivier sévèrement, comme si c'était sa faute. « Il n'est pas fort, il faut l'avouer. Mais il poussera, Madame Sowerberry, il poussera. » « Oui, dit la femme avec humeur, grâce à notre boire et à notre manger. Qu'y a-t-il à gagner avec ces enfants de la paroisse? Ils coûtent toujours plus qu'ils ne valent. Mais les hommes veulent n'en faire qu'à leur tête. Allons, descends, petit squelette. » À ces mots, elle ouvrit une porte, poussa Olivier vers un escalier fort roide qui conduisait à une petite cave sombre et humide attenant au bûcher qu'on nommait la cuisine et où se trouvait une fille malpropre avec des souliers éculés et de gros bas bleus en lambeaux. « Charlotte, » dit Madame Sowerberry qui avait suivi Olivier, « donnez à cet enfant quelques-uns des restes qu'on a mis de côté pour Trip. Il n'est pas revenu à la maison de toute la journée. Ainsi, il s'en passera. Je suppose que tu ne feras pas le dégoûter, hein, petit ?» Olivier, dont les yeux s'allumaient à l'idée de manger de la viande et qui mourait d'envie de la dévorer, répondit que non et un plat de restes grossiers fut placé devant lui. « Je voudrais que quelques philosophes bien nourris, chez qui la bonne chair n'engendre que de la bile, de ces philanthropes au sang glacé, au cœur de fer, eût pu voir Olivier Twist se jeter sur ces restes dont le chien n'avait pas voulu et contempler l'affreuse avidité avec laquelle il déchirait et avalait les morceaux. Il n'y a qu'une chose que je préférerais à cela, ce serait de voir ce philosophe faire le même repas et avec le même plaisir. « Eh bien !» dit la femme, quand Olivier eut fini son souper, auquel elle avait assisté avec une horreur silencieuse, épouvantée de l'appétit futur de l'enfant. « As-tu fini ?» Comme il n'y avait plus rien à avaler, Olivier répondit que oui. « Alors viens avec moi, » dit-elle. Elle prit une lampe sale et fumeuse et le conduisit au haut de l'escalier. « Ton lit est sous le comptoir. Tu n'as pas peur de coucher au milieu des cercueils, je suppose. D'ailleurs, qu'importe que cela te convienne ou non, « tu ne coucheras pas ailleurs. Arrive, ne vas-tu pas me tenir là toute la nuit ?» Olivier, sans perdre de temps, suivit docilement sa nouvelle maîtresse.